Radiomatique. Thank you. une pièce d'Amon Tobin introduisait cette transmission 222 d'Audiomatique. Il s'agissait de The Lighthouse, tiré de l'album Chaos Theory, qui est en fait une composition faite à partir de la musique du jeu vidéo Splinter Cell 3 Chaos Theory. Pour la prochaine heure à Audiomatique, vous serez en compagnie des sonoristes qui ne font aucune discrimination quant aux possibilités de ce que vous pouvez entendre. Where you're going, do you- so much on me. I can obey all of your rules. Audiomatic, vous avez sans doute reconnu l'inégalable Björk avec la pièce Unison de son album Vespertine, paru en 2001. Tout juste avant, nous débutions ce bloc musical avec le défunt groupe américain Sugar, mené par Bob Mould, ex-membre du groupe Oscar Du. Du premier album de Sugar intitulé Copper Blue, nous vous présentions la chanson de Slim. Le groupe My Bloody Valentine nous offre maintenant sa réinterprétation de Map Reference 41 North 93 West, une pièce originellement composée par Wire. Yeah. à Audiomatic pour terminer cette séquence musicale ou plutôt sonore qu'on pourrait qualifier de abrasive. Nous entendions la pièce The Last Day du groupe canadien Decree, pièce qui est tirée de son premier album Wake of Devastation, paru en 1997. Avant Decree, c'était une pièce de l'artiste Paul Lemos, soit In Heat and On the Bone, tirée de son album solo Phlegm Dive, publié en 1992. Et on amorçait la séquence avec la pièce Map Reference 41 North and 93 West, composée par le groupe Wire, mais ici dans une version réinterprétée par My Bloody Valentine. Cette réinterprétation apparaît sur l'album Lost Tracks and Rare Cuts de My Bloody Valentine. Pour assurer la continuité musicale Audiomatic, les sonoristes vous offrent à entendre le compositeur polonais Henryk Mikołaj Górecki et un extrait de sa célèbre symphonie numéro 3. Nous terminions ce segment à Audiomatique avec le projet français Mimetic Collective, incarné par Jérôme Soudan, de qui nous entendions la pièce Mimetic L'Ombre, qui est en fait une pièce du projet torontois L'Ombre, remixée par Mimetic. On peut retrouver cette pièce sur l'album One by One, qui regroupe des compositions de différents artistes remixées par Mimetic. Et la première pièce de cette séquence était l'œuvre du compositeur polonais Henryk Mikołaj Górecki et le deuxième mouvement de sa symphonie numéro 3, soit Lento y Largo Tranquillissimo. Cette version était interprétée par la soprano Ingrid Perusch, accompagnée par l'orchestre Sinfonia Varsovia, dirigé par Alain Altinoglu. La transmission 222 s'achèvera sur la musique du projet français Dernière Volonté et sa pièce Ton visage de papier. Cette pièce se trouve sur son album intitulé Les blessures de l'ombre. Les sonoristes qui vous remercient d'avoir été attentifs à leurs suggestions musicales et qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou, bien sûr, pour la présentation de la transmission 223 d'Audiomatique. Nous vous encourageons fortement à visiter quelques-unes de nos plateformes afin surtout d'entendre toutes nos anciennes émissions, soit sur facebook.com/audiomatique-cfou et également sur mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Dernière Volonté et la pièce Ton visage de papier. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Notre amitié avait la couleur de l'or. Ensemble nous étions solides comme le roc. Nos chants ont résonné à la vie, à la mort. Mais je n'ai pas songé à quel point j'avais tort. La vanité m'égare, je prends peur et me lasse. Ton visage se détache, se déchire et m'embrase. Mon ami, mon ennemi, quand reprendras-tu ta place? Accoudé à mon bras, toujours prêt pour la bataille. Mes absences à mes plumes écrasées.